Génération Flashball. Dans la rue, les yeux rouges, les dents serrées. Les boucliers brillent, les mères veulent rentrer. On compte les bleus sur les poignets levés. La peur dans les halls, la rage dans les pavés. Ils parlent d'ordre, nous on parle de vécu. Leurs mains sur nos nuques, nos noms dans les écus. Je vois des gamins durcis avant l'âge. Quand la nuit descend, ça cogne dans les cages. Le bitume garde les traces des cris. Les vitres ont tremblé, les vieux ont compris. On n'est pas des chiffres dans leur dossier. On est la fumée d'un pays fracturé. Serre les poings, serre les rangs. Ça monte, ça gronde, ça vient maintenant. Quand ça déborde, plus rien ne calme. Le cœur en feu, la gorge en armes. Génération Flashball. On rend les coups, on tient le sol. La rue répond, la peur s'envole. Hey, génération Flashball. Nos voix cognent, nos cœurs sont forts. Hey, génération Flashball. On lâche rien, on crie encore. Ah, ils veulent l'image, nous on veut la vérité. Des quartiers debout qu'ils ont trop saigné. Des nuits sans sommeil, des courses en bas. Des amis tombés qu'on n'oublie pas. Les murs parlent fort, les tags sont vivants. Chaque mot gravé comme un serment. Y'a trop de colère pour faire semblant. Trop de poussière dans les yeux des parents. Je rappe pour ceux qu'on pousse au silence. Pour les mains levées, pour les vies en transe. Pas de décorum, pas de pardon poli. Juste la chair du peuple et l'acier des vies. Serre les poings, serre les rangs. Ça monte, ça gronde, ça vient maintenant. Quand ça déborde, plus rien ne calme. Le cœur en feu, la gorge en armes. Génération Flashball. On rend les coups, on tient le sol. Hey, génération Flashball. La rue répond, la peur s'envole. Hey, génération Flashball. Nos voix cognent, nos cœurs sont forts. Hey, génération Flashball. On lâche rien, on crie encore. Survie au choc, on garde la mémoire sous la peau dans le bloc. Pas besoin d'accord quand le peuple se lève. La colère a faim, la patience achève. Génération.